L'agence de presse TASS, la radio Sputnik, l'agence de presse d'Internet Vesti.ru de Russie, l'agence de presse japonaise Kyodo, les homepages Internet de l'Institut russe du Kim Il-sungisme-Kim Jong-ilisme, du Comité national nigérien d'études du Kim Il-sungisme-Kim Jong-ilisme et du Comité national d'études des études judiciaires du Congo démocratique ont rapporté la lettre historique du maréchal Kim Jong-un adressée au personnel enseignant et administratif et aux étudiants de l'Université Kim Il-sung, des tâches fondamentales de l'Université Kim Il-sung à la nouvelle époque de la révolution du Tse, à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'Université.